Chapitre 8. Et ses parents descendirent, admirant et louant Dieu, de ce que l'enfant ne s'était pas retourné vers eux. Marie était élevée comme une colombe dans le temple du Seigneur, et elle recevait de la nourriture de la main des anges. Quand elle eut atteint l'âge de 12 ans, les prêtres se réunirent dans le temple du Seigneur, et ils dirent « Voici que Marie a passé 10 ans dans le temple. Que ferons-nous à son égard, de peur que la sanctification du Seigneur, notre Dieu, n'éprouve quelque souillure ?» Et les prêtres dirent au prince des prêtres « Va devant l'autel du Seigneur et prie pour elle, et ce que Dieu t'aura manifesté, nous nous y conformerons. » Le prince des prêtres, ayant pris sa tunique garnie de 12 clochettes, entra donc dans le Saint des Saints et il pria pour Marie. Et voici que l'ange du Seigneur se montra à lui et lui dit « Zacharie, Zacharie, sors et convoque ceux qui sont veufs parmi le peuple, et qu'ils apportent chacun une baguette, et celui que Dieu désignera par un signe sera l'époux donné à Marie pour la garder. » Des hérauts allèrent donc dans tout le pays de Judée, et la trompette du Seigneur sonna, et tous accouraient.